Marcel Proust, Les plaisirs et les jours. La mort de Balthasar Silvande, vicomte de Sylvanie. Chapitre 2. La chair est triste, hélas. Stéphane Mallarmé. Le lendemain de la visite d'Alexis, le vicomte de Sylvanie était parti pour le château voisin, où il devait passer 3 ou 4 semaines, et où la présence de nombreux invités pouvait distraire la tristesse qui suivait souvent ses crises. Bientôt tous les plaisirs s'y résumèrent pour lui, dans la compagnie d'une jeune femme, qui les lui doubla en les partageant. Il crut sentir qu'elle l'aimait, mais garda pourtant quelques réserves avec elle. Il la savait absolument pure, attendant impatiemment d'ailleurs l'arrivée de son mari. Puis il n'était pas sûr de l'aimer véritablement, et sentait vaguement quel péché ce serait de l'entraîner à mal faire. À quel moment leur rapport avait-il été dénaturé? Il ne put jamais se le rappeler. Maintenant, comme en vertu d'une entente tacite, et dont il ne pouvait déterminer l'époque, il lui baisait les poignets et lui passait la main autour du cou. Elle paraissait si heureuse qu'un soir il fit plus. Il commença par l'embrasser. Puis il la caressa longuement et de nouveau l'embrassa sur les yeux, sur la joue, sur la lèvre, dans le cou, au coin du nez. La bouche de la jeune femme allait en souriant au-devant de ses caresses, et ses regards brillaient dans leur profondeur comme une eau tiède de soleil. Les caresses de Balthasar, cependant, étaient devenues plus hardies. À un moment, il la regarda. Il fut frappé de sa pâleur, du désespoir infini qu'exprimait son front mort, ses yeux navrés et las qui pleuraient, un regard plus triste que des larmes, comme la torture endurée pendant une mise en croix ou après la perte irréparable d'un être adoré. Il la considéra un instant, et alors, dans un effort suprême, elle leva vers lui ses yeux suppliants qui demandaient grâce, en même temps que sa bouche avide, d'un mouvement inconscient et convulsif, redemandait des baisers. Repris tous deux par le plaisir qui flottait autour d'eux dans le parfum de leurs baisers et le souvenir de leurs caresses, ils se jetèrent l'un sur l'autre en fermant désormais les yeux, ces yeux cruels qui leur montraient la détresse de leur âme. Ils ne voulaient pas la voir, et lui surtout fermait les yeux de toutes ses forces comme un bourreau pris de remords, et qui sent que son bras tremblerait au moment de frapper sa victime, si au lieu de l'imaginer encore excitante par sa rage et le forçant à l'assouvir, il pouvait la regarder en face et ressentir un moment sa douleur. La nuit était venue, et elle était encore dans sa chambre, les yeux vagues et sans larmes. Elle partit sans lui dire un mot, en baisant sa main avec une tristesse passionnée. Lui, pourtant, ne pouvait dormir, et s'il s'assoupissait un moment, frissonnait en sentant lever sur lui les yeux suppliants et désespérés de la douce victime. Tout à coup, il se la représenta telle qu'elle devait être maintenant, ne pouvant dormir non plus et se sentant si seule. Il s'habilla, marcha doucement jusqu'à sa chambre, n'osant pas faire de bruit pour ne pas la réveiller si elle dormait, n'osant pas non plus rentrer dans sa chambre à lui, où le ciel et la terre et son âme l'étouffaient de leur poids. Il resta là, au seuil de la chambre de la jeune femme, croyant à tout moment qu'il ne pourrait se contenir un instant de plus et qu'il allait entrer. Puis, épouvanté à la pensée de rompre ce doux oubli, qu'elle dormait d'une haleine dont il percevait la douceur égale, pour la livrer cruellement au remords et au désespoir, hors des prises de qui elle trouvait un moment de repos, il resta là au seuil, tantôt assis, tantôt à genoux, tantôt couché. Au matin, il rentra dans sa chambre, frileux et calmé, dormit longtemps et se réveilla plein de bien-être. Ils s'ingénièrent réciproquement à rassurer leur conscience. Ils s'habituèrent aux remords qui diminuèrent au plaisir qui devint aussi moins vif, et quand il retourna en Sylvanie, il ne garda comme elle qu'un souvenir doux et un peu froid de ces minutes enflammées et cruelles.